إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع بعض. فعمز دخلنا في الأصل الخامس سكن فنما، وهو بيان الله سبحانه وتعالى الفرق بين أوليائه وأولياء الشيطان. Il y a la différence entre ses alliés à lui, c'est le shaitan. Pour différencier, car aujourd'hui pour les gens, les alliés dans leur vision des choses, l'allié c'est celui qui n'applique plus la religion, qui a un niveau trop haut. Il tombe dans les plus grands défauts de jour et des ma'asi, il dit c'est celui-là le wali. Donc les gens, il faut qu'ils apprennent à savoir c'est quoi le wali et comment le reconnaître. Et on a cité des versets, des ayats, qui stipulent bien c'est quoi ses caractéristiques, et parmi elles, que la an awliya Allah la khawfun alayhim wa lam yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Que les veli d'Allah subhanahu wa ta'ala, nulle peur pour eux ne sera point tristée, ceux qui y ont cru et qui ont craint. Donc déjà, un wali forcément pieux et un mu'min. Il est réel zalika. Apprenez en rentrant dans le cadre de Sheikh al-Islam Taymiyyah. Dans son livre, il y a Furqan bin Awliya al-Rahman ou Awliya al-Shaytan. On avait commencé à lire et là on va finir, inshallah ta'ala, tout en prenant كذلك الأصل السادس. وقفنا هنا وهذا الذي قال رحمه الله تعالى لا في كلام الشيخ الإسلام تمام عندما نقول وهذا الذي ذكرته من أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يصور له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل من ومن خالف في هذا طيب ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين أمر الله باتباعهم بل إما أن يكون كافرا وإما يكون مفرطا في الجهل. Donc il dit que la chose justement qu'il a citée, c'est que les awliya, il est obligatoire de revenir au kitab wa sunnah également. Ils ne sont pas au-dessus des autres. Et qui n'est pas infaillible et qui ne leur permet pas de suivre autre chose. Ce qui vient dans son cœur, par exemple, il dit moi je suis un wali, ce que je ressens comme inspiration, je l'applique. Il ne revient pas de faire cela. Et ça, c'est une chose sur laquelle justement il y a ijma' des vrais awliya, qui sont les ulama de la sunnah, rabbaniyun. Et celui qui s'oppose à cela, ce n'est pas un wali. Mais la chèque ou la raïd. Donc, celui qui s'oppose à ça, qui veut suivre autre chose que la kitab wa sunnah, ça va être ou être un kafir, qui pense qu'il a le droit, ou quelqu'un qui est dans une ignorance extrême. L'un des deux. Ça ne peut pas être un wali. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضوع فيظن في شخص انه ولي لله ويظن ان ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم له كل ما يقوله ويسلم اليه كل ما يفعله وان خالف الكتاب والسنه فيوافق ذلك له. Donc beaucoup de gens se sont trompés dans ce sujet là car ils pensent que justement si une personne est un wali d'Allah, pour eux ils pensent qu'il faut accepter tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il dit, c'est forcément vrai. Tout ce qu'il fait, c'est forcément correct. Donc il se tait, ne conteste pas ce qu'il fait. Comme c'est le cas justement des mourides avec leur machère chez Soufia. Quoi qu'il fasse comme énormité, quand bien même il ferait des actes, par exemple homosexuels ou ce genre de choses, ils vont dire ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, c'est un wali. Lui il a le droit, nous on n'a pas le droit, mais lui il a le droit. S'il boit l'alcool, ils vont dire lui il a le droit, nous on n'a pas le droit. S'il fait zina, ils vont dire il a le droit, nous on n'a pas le droit. Fais pas ça là, tu vas dire lui il peut, c'est un wali, nous on n'a pas le droit. ويخالف ما بعث الله به رسوله والذي فرض الله على جميع خلق تصديقه بما أخبر وطاعته فيما أمر وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء. Donc celui qui fait cela, justement, il suppose que Allah, la raison pour laquelle Allah a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, celui, ce même messager à qui Allah a rendu obligatoire de croire ce dont il nous informe, de lui obéir dans ce qu'il ordonne, et qu'il a fait de ce messager une différence entre ses alliés à lui, c'est-à-dire Allah, et ses ennemis, et entre la différence entre les gens du paradis et les gens du feu, la différence entre les heureux et les malheureux. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنوده المفلحين وعباده الصالحين ومن لم يتبعه وكان من أعداء الله الخاسرين المجرمين فتجرهم مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أو أولا إلى طيب أولا إلى البدعة والضلال وأخيرا إلى الكفر والنفاق. Donc celui qui suit le messager fait partie justement lui des alliés d'Allah SWT et des pieux et de ses troupes, c'est-à-dire les troupes d'Allah, ceux qui ont réussi, et parmi ses serviteurs pieux, pareil, salihin. Par contre celui qui ne le suit pas, alors lui fait partie des ennemis d'Allah SWT, ils sont parmi les perdants, parmi les criminels, et que justement cette opposition au messager et le fait d'être d'accord avec cette personne qui agit de la sorte, ça mène à deux choses. En premier lieu, soit la bid'a et l'égarement, et en dernier, ça finit par le kouf, le nifaq, la mécréance et l'hypocrisie. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخالقة للعادة وليس في هذا أو في وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبه ولي لله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهوى أو مشى على الماء لم يخطر به حتى ينذر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره أو نهيه. Et pourquoi il dit, pourquoi beaucoup de gens pensent que ces gens-là sont des awliya? C'est quoi la cause? C'est parce qu'ils ont vu de lui des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du commun, comme des actes qui paraissent comme étant miraculeux, des choses qui paraissent miraculeuses. Et cela, justement, n'est point une chose qui démontre que c'est un wali. Pourquoi? Car elle a dit justement, les vrais awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tout à fait d'accord et unanimes que même si la personne devait voler dans les cieux, dans les airs, marcher sur l'eau, on ne se fait pas avoir par ça tant qu'on ne voit pas son suivi de la sunna pour de vrai ou pas. Quoi qu'il fasse comme acte qui sort du commun et de l'ordinaire, on ne peut dire c'est un wali tant qu'on ne voit pas comment il est. Si c'est un homme qui est connu pour être pieux, pour de vrai, la vraie piété, alors on peut dire c'est un miracle d'Allah pour lui. Si jamais ce n'est pas le cas, ça peut être un shaitan avec lui, un djinn qui travaille pour lui, ou une épreuve que Allah a mis pour des gens, comme cela est souvent arrivé. قال ثم وكرامات الأولياء وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور وهذه الأمور الخالقة للعادة وإن كان صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله وإن هذه الخوارق تكون كثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون أهل البدع وتكون للشياطين فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة شرائع الإسلام الظاهرة. Donc il dit, c'est justement ce qu'on voit comme étant des miracles, les vrais miracles plutôt, les miracles, les vrais miracles des Aulia d'Allah sont plus grands que ces choses là que marcher sur l'eau ou voler dans les airs. Car ces choses-là, qui sortent du commun, peuvent être attribuées à un wali, ou peuvent être attribuées à autre que lui. Ça peut être un ennemi d'Allah. Ça peut être pour des koufars, pour des mouchriquines, pour des gens du livre, pour des hypocrites, pour des gens d'Abida, pour des shayatines. Donc il n'est pas possible, il n'est pas permis de penser que toute personne qui agit, à qui il arrive ce genre de choses, c'est un wali directement. Mais comme on a dit, on regarde ses caractéristiques, on regarde ses actes, on regarde son hal, d'accord, et si on voit sur lui la lumière de la foi et du Coran et de la réalité de la foi intérieure et les emblèmes de l'islam extérieur, alors on peut dire celui-là il a le sifat des wali. Car il y a des gens, ils font du sihr, des gens font du sihr, ça sert de shayatin, et pour cela ils font des actes, voyez, des actes qui sortent de l'ordinaire. Et il y a eu plein d'histoires comme ça. Même des histoires qu'on connaît aujourd'hui tirent leurs origines de ce genre d'actes. Et la plupart des choses, c'est du sihr. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من أولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc les salafs de cette communauté, ces imams et les autres parmi les awliyas d'Allah, sont unanimes que les anbiya sont meilleurs que les awliya. Et on parle des awliya qui ne sont pas des anbiya, qui ne sont pas des prophètes. Parce qu'il y a des gens qui voient que les awliya sont meilleurs que les prophètes. Attention. Et tout ça c'est chez les soufis, tu vas le voir. Pourquoi ? Parce que tu le verras suivre ce wali, mais il ne suivra pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi l'archeboïte, histoire de Moussa avec Zulkarnayn. Que Zulkarnayn était un homme d'après eux, alors qu'à la base c'est un prophète à la cour de Sahih, et que Moussa est un prophète messager, et Zulkarnayn n'obéissait pas à Moussa. Donc ils ont pris cette chouboïte pour dire on peut sortir de la législation du prophète qui nous était envoyé. Et ça c'est une chose qu'on prendra dans l'Aqad al-Islam, Inch'Allah. Ça c'est une chouboïte qu'ils ont. Donc Allah a mis l'ordre, d'accord, de ces aouliens, gens pieux, quatre étapes, quatre catégories de personnes par échelon. Dans sa parole où il dit, dans le sens, et quiconque obéit à Allah et au messager, alors ceux-là sont parmi ceux à qui Allah a accordé ses délices, comme en premier lieu les prophètes, minan nabiyyin, thumma was-siddiqin, les véridiques, thumma والشهداء les martyrs, ثم الصالحين les pieux. Ça c'est l'ordre. Le plus haut statut c'est le Nabi, le Rasoul. Ensuite le Siddiq, celui qui croit la vérité même s'il la voit pas. Ensuite en dessous du Siddiq le martyr, le shahid. Et en dessous le Salih. Donc les Aouliyas sont forcément parmi un de ces quatre là, ou parmi les quatre. Et les ulama, les rabbaniyoun, sont classés parmi les siddiqoun. Et un siddiq n'est pas forcément un shahid, mais peut-être, mais forcément un salih. Quand même, un siddiq est forcément un salih. Il ne peut pas être siddiq, il n'est pas salih, c'est pas possible. Mais il n'est pas forcément shahid. Et certains, les NBA, eux, ils peuvent recouper les quatre. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un nabi, c'est un siddiq, c'est un shahid, il a été tué par les juifs, et bébé Aoulek, c'est un salih, sans aucun doute. Et les ulama, mathalan, rentrent dans les rabbaniyoun et les mukhlisoun, rentrent dans le qism siddiqin. Le alim est de plus haut niveau que le shahid. Car la shahada, même un ami peut l'avoir. Un ami peut être shahid. Le quantifi sabilillah wa yuqtal. Mais l'ilm, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est pour ça que les ulama sont aussi des shuhada. Alors que dire d'un alim qui regroupe les trois? C'est un alim, c'est un siddiq, il se fait tuer fils abilillah, et forcément les salih. Il a tout sauf le fait que ce soit un nabi. Comme les imams de la sunna. Naam. Wallahum karamat al-lad tayyib. Comme la hada, un truc important, Cheikh l'Islam dans son livre l'Istiqama, il dit bien que le plus grand miracle que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs, c'est pas marcher sur l'eau, c'est pas voler dans les airs, c'est pas entrer dans le feu, c'est pas manger des bouts de verre ou quoi, c'est être mustaqim jusqu'à la mort. El istiqama. Il dit que c'est la plus grande des miracles. Pourquoi ? Combien de gens il y a sur terre et combien sont mustaqimoun jusqu'à la mort ? Car el istiqama est une cause qui t'entrera au Jannah. Pas marcher sur l'eau, pas voler dans les airs, car ça c'est un truc qui dure un moment, ça peut durer quelques secondes, une minute, peut-être une heure. L'istiqama c'est toute ta vie, c'est beaucoup plus dur. Combien de gens sont des aouliyas, ils n'ont jamais de miracle, et maintenant c'est des shayatines, ils font des actes qui sortent du commun. Donc la plus grande marque ou la plus grande karamat que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à son serviteur, c'est l'istiqama, qui vivent dessus et qui meurent dessus. طيب ثم قال ولهم ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين وخيال أولياء إلا كرامتهم لحجة في الدين أو لحجة بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك وكرامات أولياء إلا إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول. Donc là, vous vous souvenez, il va se souvenir un point important. Il dit que, justement, les aouliyas, les miracles qui leur sont accordés, par lesquels Allah les a gratifiés, cela c'est juste pour ses alliés pieux, sont des choses données pour différentes raisons. Premièrement, pour un argument pour la religion. Ce miracle que cette personne va accomplir, c'est un argument pour les autres. On dit, regardez ce qu'il a fait, lui. Pas mal. Et également, une hujja pour les musulmans. Comme ce fut le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait des miracles pour démontrer aux gens qui il était. Les prophètes sont tous venus avec des miracles pour dire aux gens qui ils sont. Amen. Donc ces miracles ont des causes. Ils ont des causes. Et il dit que par contre, ceux qui ont des miracles autres que les prophètes, ces miracles ne sont dus qu'au fruit de leur suivi du prophète. Leur astikama. Donc il dit que ces miracles, en réalité, reviennent à qui? Au prophète. C'est-à-dire, le suivi du prophète est une cause que, par laquelle Allah peut accorder de faire des miracles aux yeux des gens pour leur montrer l'argument. Après, il dit justement que ce qu'il faut savoir, entre directement, c'est que ces miracles, d'accord, sont donnés en mesure du hal de la personne. T'en as, ils en ont besoin parce qu'ils ont une faible foi, pour leur remonter la foi. D'accord ? D'autres pour renforcer leur iman. Ou d'autres parce qu'il y a un besoin à ce moment-là qui fait que seul un miracle pourra accomplir ce qu'il veut. Comme ça arrivait par exemple des troupes, des musulmines, qui devaient, je ne sais plus, c'est une histoire qui est thabita, j'ai oublié c'est qui devait arriver sur une terre, et les troupes ont marché sur l'eau avec les chevaux pour aller sur cette terre à conquérir. Il n'y avait pas de bateau. Toute la troupe a marché sur l'eau. D'ailleurs, cet émir. Il y avait un besoin. Et en même temps, ça a effrayé l'ennemi. Je ne me trompe pas, j'ai oublié, c'est le temps à lire, et le nom de qui c'est arrivé, mais c'est l'histoire Fabita. Car il dit, car en réalité, le vrai wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de miracle. Sa foi, elle est au stade du camel. Lui, miracle ou pas miracle, s'il voit un miracle, il va dire Alhamdulillah. Mais c'est pas de moi qui dit, je crois quand même, même sans miracle, je sais. Je crois en mon Seigneur, et je crois en son prophète, et je crois en leur religion. Il est convaincu déjà. Fahim tout ? Non. Et c'est pour ça qu'il dit que les miracles, ce genre de choses, étaient bien plus fréquents chez les tabi'in que chez les sahaba. Pourquoi ? Parce que les tabi'in avaient une foi plus basse que les sahaba. Les sahaba, ils n'avaient pas besoin de ça. Les tabi'in plus. Et après encore plus. Fahim tout ? Il dit plus la foi elle est haute, et moins ils ont besoin de ça. Donc les sahaba, c'est vrai qu'on entend beaucoup d'histoires surprenante, plus chez les générations d'après le Sahaba. Comme par exemple cet homme qui a marché avec ses troupes sur la mer. C'est pas arrivé au Sahaba ça. Pourtant les Sahaba sont plus hauts. Donc les gens vont dire comment c'est arrivé à lui qui est de moindre statut que le Sahaba. C'est parce qu'eux avaient une foi plus faible que celle des Sahaba. Les Sahaba ils n'ont pas besoin de karamat. Et le Nabi Sallam était avec eux. Le Coran descendait sur eux. Ils n'avaient pas besoin de ça. Mais s'ils l'avaient, il y avait une raison. Donc ne pas dire comme un tel. Il a plus de miracles, c'est-à-dire qu'il est meilleur. Non, quelqu'un peut être meilleur, il n'a rien eu de cela, parce qu'il n'en a pas besoin. Donc bien comprendre ça. Donc là, le reste, Inch'Allah, on a ma... Ça, c'était le shahid de son kalem, le reste, ma... Oui, facile, mais bon, le plus important, on vient de le prendre, là. Par rapport aux aouliyeh. Donc attention, les aouliyeh sont forcément des gens moustaqimoun. La bouddha min zalik. C'est pas des foudjah. C'est pas des gens qui commettent des grands péchés ou quoi. Il y a un truc sur lequel qui peut être mal compris. C'est que hier, on a dit quoi? On a dit que le wali est forcément quelqu'un qui fait les choses droites. Quand même. Et après, on a dit quoi? Que le wali, l'erreur, ne le sort pas du fait qu'il soit un wali. Pour que quoi? Les paroles sont bien comprises. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? Qu'un wali, forcément quelqu'un de droit et de pieux. Maintenant, le droit et le pieux n'est pas forcément infaillible, comme le savant qui peut faire sur une mas'ala un ijtihad et se tromper. Cette erreur, c'est pas un péché. Contrairement à celui, par exemple, qui dit je suis un wali, tu le vois, il boit un verre de vin, par exemple, et après il s'envole. Ou une minute après, tu dis ouais, Foulan, il est à Paris, quelques secondes après, il est à Bagdad. Tu dis comment? C'est un wali. On dit non, c'est un shaitan qui travaille avec lui, sûrement. Et le stabad avec. Ça, ce qu'il a fait, tu l'as vu boire un verre d'alcool, c'est pas un ijtihad, ça, un alim. Ça, c'est du fisq. On parle pas de ça. On dit que c'est le wali qui est alim se trouve sur une masala, c'est une masala sur laquelle l'ijtihad il sera comme on dit, il sera exposé. Un verre d'alcool, quelqu'un qui fait zina, qui vole ou quoi, c'est pas un ijtihad ça. Ça c'est du fisq, c'est du kaba'ir. Donc, bien comprendre, si on dit qu'il se trompe sur une chose sur laquelle il y a ijtihad, c'est une masala. Maintenant commettre des péchés ouvertement et des perversions, ça c'est un autre sujet. Bien comprendre la différence entre ijtihad et erreur, et fisq, taïeb, et fa'il al-fahsha. Deux choses différentes. Pas mal. Donc là, on a fini ce cinquième asl. Pour le khurasa et que les awliya d'Allah, il faut les reconnaître. Et parmi leurs signes, leur stikama. Parmi leurs signes, l'istikama. Et celui qui n'est pas moustaqim, quoi qu'il fasse devant toi, ne dis pas que c'est un wali. Et n'est pas pour croire que c'est un wali. Et parmi les choses qui démontrent que moi c'est un wali, si tu te dis, moi je suis un wali. Le simple fait que tu m'étais un wali, pour moi t'en es pas un. Un wali ne le dira pas. Au contraire, il sera discret. Ce fut le cas de qui? Qui s'est caché? Qui a eu un hadith et qui n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu un grand éloge et qui est parti se cacher à cause de ça? Le plus grand des tabirines dans le fadl. Ouai, c'est cornier. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit à Omar, lui, ses doigts ils sont exaucés si tu le rencontres. Pourquoi? C'était quoi la cause? Bir ummi. Très reconnaissant et obéissant vers sa mère. Ouai, c'est le corni. Il n'a pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Omar, tu vas le rencontrer, cet homme-là. Et si tu le rencontres, demande-lui pour qu'il astaghfir lak. Et après cela, ouai, c'est le corni, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est exilé. Pour pas que les gens viennent le voir. Parce que tout le monde serait venu le voir. Et peut-être même certains l'auraient adoré après. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'exiler. S'isoler à un endroit, personne ne va venir le voir. Ça, c'est une preuve de El-Wilaya. Pourquoi il ne veut pas qu'on sache qui il est? À moi aujourd'hui, tu les vois mettre des vêtements particuliers, faire des harakats particulières. Si on m'enterre, mon tombeau soit dans le masjid, les gens fassent ça pour moi. A'udhu billah. Naam. Donc là, on va finir avec les os sadis. قال المؤلف رحمه الله تعالى رد الشبهات التي وضع الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المفترقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فيعرض عنهما فردا حتما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبات فهمهما يعني الكتاب والسنة فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهات الملعونة في وجوه شتى بلغت إلى حد الضرورية العامة العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أعلالا فيا إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طيب donc là il dit que la dernière shubuhat c'est quoi? C'est que Shaitan a délaissé ou a mis dans la tête des gens qui amène à délaisser le Coran et la Sunna et qui amène à suivre les avis, les opinions et les passions de différentes sortes. Car le Coran et la Sunna, il a mis dans la tête des gens que seuls ne peuvent les comprendre le mujtahid mutlaq, c'est-à-dire le mujtahid total, celui qui comprend tout. Et ce mujtahid, comme ces gens se l'imaginent, a des descriptions et des caractéristiques qui est de telle et telle sorte, ils l'ont mis des caractéristiques que même Abu Bakr et Omar n'ont pas. Ils ont imaginé une personne qui n'existe pas. En fait. Donc c'est comme s'ils disaient, le Coran et le Sunna, on ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas comme ça. pour comprendre, il faut être comme ça et comme ça et comme ça. Nous, on peut pas, donc laisse tomber. Akada. Fahimt ? C'est ça qu'ils ont fait comprendre. Comme c'est trop dur, on cherche pas à comprendre. Et pour eux, celui qui cherche à comprendre le Coran et la Sunna, c'est un zindik ou un majnoun. Dis, il est fou. Il n'arrivera jamais à celui-là. Pourquoi ? C'est trop dur, vont dire. Dis, c'est trop dur. Ah, va. Et dans le Coran, Allah a bien mis des versets qui démontrent que le Coran, les choses sont claires, on peut les comprendre. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ادوري الله et ne lui associez rien. Est-ce qu'il faut être un alim rabbani pour comprendre ce verset? Un enfant va le comprendre. Comme Cheikh Al-Fawzan il dit, le Coran, il y a des choses que tout le monde va comprendre dedans, qui sont claires et simples, comme le verset cité à l'instant. Il y a d'autres versets, c'est l'étudiant en science qui va les comprendre et pas l'ammi. D'autres versets, c'est le savant qui va les comprendre, et même pas l'étudiant, et encore moins l'ami. Et d'autres versets, d'autres choses, il n'y a que Allah qui les connaît. Kafikullahi ta'ala, wa la ya'lam ta'wilahu illa Allah. Et nul n'en connaît l'interprétation, ce n'est Allah. Il y a des choses que seul Allah connaît. Même dans son livre. Ala kullin, chacun, dans le Coran et la Sunna, prend en mesure de ce qu'il comprend. Le ami peut comprendre des choses. Le talib peut comprendre des choses. Et le alim encore plus que les deux. Et le alim encore plus que les deux. Mais les choses essentielles à savoir que Allah veut de nous, aqimu salat wa tu zakat. Qui ne comprend pas cela? Accomplissez la salat et acquittez-vous de la zakat. On le comprend, on le comprend pas, on le comprend. Wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas du zina. C'est compréhensible ou pas? C'est compréhensible. Et les hadiths pareil. Plein de hadiths pour être certain, mais avec des paroles claires, simples, pour que tout le monde comprenne. Nabi Sassam parlait d'Abd Abbas. Ya Roulem, il n'y a pas de kalimat. Il a dit à Abd Abbas qui est un enfant. Oh, jeune garçon, je vais t'apprendre des paroles. Ou comme il a dit à ce sahabi qui mangeait, qui avait sa main qui allait dans tout le plat. Il a dit Ya Roulem, Sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mayalik. Il a dit oh, jeune garçon, nomme Allah sur ta nourriture. Mange avec ta droite et mange ce qu'il y a devant toi. Est-ce que c'est simple ou c'est pas simple? Et il a dit à un enfant. Et ce sahabi a dit Mazalat aklati hatamit. Et je n'ai cessé de manger comme ça jusqu'à ma mort. C'est un enfant, il a compris. C'est vrai que les sahabas sont au-dessus de nous. Mais là, chaque. Mais ce que le Nabi Sassam a donné aux sahabas, c'est pour nous aussi. Et il y a des hadiths, comme ce qu'il enseigne aux enfants. Tout le monde peut le comprendre, bismillah ta'ala. Naam. Donc là, le shir, dans ce asl, ils ont mis certaines paroles de lui, mais ces paroles-là sont dans son livre Al-Usul fil Ilm al-Usul, dans le bab de Mujtahid à la fin. Ce charh là qui est mis là, il n'est pas lié au livre. Tout ça là, c'est dans le chapitre de Usul al-Fiqh, dans le chapitre du Mujtahid. On va en lire une partie. Le Shahid, quoi qu'il en soit, on vient de comprendre que le Coran, cette chebouette là, d'accord, c'est Shaitan qui l'a apporté aux gens. Dire le Coran, la Sunna, c'est trop fort pour vous, vous ne pouvez pas comprendre. On dit c'est pas vrai. Je peux comprendre ce qui m'est obligatoire de comprendre. Des choses, je ne comprendrai pas, certes. Au contraire, cela doit t'assister encore plus à vouloir comprendre. Donc là, il dit, on va prendre juste le début, le reste, Maya Taralak bin Maudoua. Il dit, « L'ijtihad l'oratan, bazl al-juhd l'idrak amr shaq. » L'ijtihad, en littéralement parlant, c'est-à-dire c'est le fait de dépenser des efforts pour atteindre une chose qui est difficile. La salane ou wahid yakul, ana ashtahid fi hada amal. Je fais des efforts pour tel et tel travail. Parce que le travail est difficile. Ou quelqu'un dit, j'ai mal à ça, fais ashtahid, ashtahid. Fais des efforts, tu vas y arriver, Inch'Allah. Donc en fait, en français, c'est faire des efforts. D'accord, faire des efforts. Ou istilahan, baz al-jud l'idrak hukmin shari'i. C'est dépenser des efforts pour pouvoir atteindre un jugement légiféré dans la religion. Comme on dit justement, quand on dit un alim fait un ijtihad, c'est il fait un effort d'interprétation pour en tirer un jugement, dans ce qui lui est possible. L'ijtihad, il a des conditions. Ce n'est pas tout le monde qui est mujtahid, bien évidemment. Et il dit déjà, parmi les shurutes, qu'il connaisse suffisamment de preuves pour pouvoir en tirer des jugements. Des preuves tirées du Coran et de la Sunna. Comme par exemple les versets qui touchent aux règles ou ahkam, ainsi que les ahadith qui touchent aux ahkam. Il faut qu'ils les connaissent. Deuxièmement, qu'ils connaissent, qu'ils sachent comment justement authentifier ou affaiblir un hadith. Pour ne pas justement émettre un jugement sur un hadith qui est maudour, par exemple, inventé. Ou faible. Jiddan, très faible. Qu'ils connaissent les asanid, les chaînes de narration de ces hommes. Qu'ils connaissent l'abrogé de l'abrogeant. Qu'ils connaissent les, là où il y a des ijma'a. Consensus sur des masa'il. Pourquoi ? Afin qu'ils ne mettent pas un jugement sur une chose qui est abrogée. Il faut faire cette chose alors que la chose est abrogée. Ou qu'ils ne mettent un jugement qui s'oppose à l'ijma. Il faut qu'ils connaissent l'ijma'at. Il faut qu'ils connaissent ce qui est mansour, ce qui est nasir. Il faut qu'ils connaissent également les différents jugements, comme par exemple le tarsis, ce qui est spécifique, ou le taqid, ce qui est conditionné. D'accord ? Afin qu'ils, par exemple, qu'ils ne prennent pas un hadith am pour faire une preuve, alors qu'à ce moment-là, tu as besoin d'un hadith qui est khas. Mathalan. Il faut qu'il arrive à distinguer entre les adillah. Tu as des adillah, des fois, ils sont généraux. Donc, tu ne peux pas les prendre pour toute situation. Ou de certains qui sont spécifiques, kazalik. Il va prendre un hadith khas dans un maudour qui est am. On va dire non, ce hadith-là, il ne convient pas à ce moment-là. Donc, la fatwa, elle n'est pas bonne. Également, qui connaissent dans Usul al-Fiqh ce qui revient aux termes, aux mots employés. Les termes généraux, par exemple, et les termes spécifiques. Les termes généraux, comme par exemple, Al-Ladina, les Asma al-Mawsoula, ou Ghayr al-Dhalika. Qu'il arrive à distinguer entre justement, qu'on a dit, les termes vagues, ceux qui sont clairs, ou Ghayr al-Hadha. Et qu'il ait également une capacité de pouvoir en extraire des règles, des jugements. Il voit un hadith, il arrive à en tirer le jugement de ce hadith. Il y arrive. Naam. Et il dit que justement, l'ijtihad n'est pas limité à un seul domaine dans la science. Mais dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le nahou, ça peut être dans la aqida, ça peut être dans le fiqh, ça peut être fi kaza wa kaza wa kaza. Et ça peut être dans une mas'ala, une seule mas'ala. Al-muhim, c'est que le mujtahid doit fournir les efforts pour connaître la vérité. Son but, c'est de connaître la vérité. Avec ce qu'il a comme science. Et de ce qui lui apparaît. C'est pour ça qu'il sort le hadith après. C'était le même hadith. « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. » Que le hakim, c'est-à-dire le savant, le juge, si jamais il fait un ijtihad et qu'il atteint la vérité, il aura deux récompenses. Si jamais le juge et qu'il se trompe, il n'aura qu'une seule récompense. Donc ça s'en vient bien. Le mujtahid, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire, l'ijtihad, pour tirer un jugement. Ce n'est pas tout le monde. Donc ce hadith-là, on l'a expliqué la dernière fois, il ne s'applique pas à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui dit « j'ai fait un ijtihad, j'ai eu tort, ne m'en voulez pas ». On dit « tu n'avais pas fait un ijtihad, toi, à la base ». On appelle un alim, un shaykh, on lui demande « toi, tu n'es pas un mujtahid ». Dans le sens voulu, là, pour tirer un jugement. Tu étais un mujtahid dans ta labyrinthe, tu as fait beaucoup d'efforts, tu apprends. Mais tu n'as pas atteint le stade de mujtahid, de celui qui peut extraire des ahkam comme ça. Naam. Hadha. Donc le Coran et la Sunna sont clairs. Les choses élémentaires à connaître sont claires. Après, des choses plus minutieuses, des choses plus subtiles, ne sont pas à la portée de tous, bien évidemment. Mais ce point-là n'empêche pas de pouvoir apprendre et de devoir appliquer. Ce n'est pas une excuse pour délaisser. Hadha wa qasd ash-shaykh. Naam. Donc là, alhamdoulilah, s'achève ce livre dont on a pris les soul, les 6 usul azima. Tu nous rappelles le premier asl? Sans regarder. Min hifzik. Premier asl, al-ikhlas. Ahsant. Deuxième, al-ijtima', de se réunir sur la vérité. Thalith, bad al-ijtima'. Ça va, c'est le quatrième. Mamkin. Moi, je veux le troisième, moi. Tu l'as oublié, je passe. Mahou. Ta'at ou l'Am. Après cette réunie, cette unie, on doit obéir au gouverneur. Le quatrième, parce que c'est ton tour à la base. Différence entre le savant et celui qui le ressemble, connaître la science et la vraie science. Cinquième, qu'on a pris aujourd'hui, Les savoir qui sont les awliya d'Allah pour ne pas se faire avoir. Et le dernier, savoir que le Coran et la Sunna sont les choses élémentaires sur la portée de tous. Et ne pas se dire que seul le mujtahid et le mutlaq peut les atteindre et les connaître. Naam, adhar. Alhamdulillah. Donc la prochaine étape, ce sera inshallah kaf shubuhat. Bidina ta'ala. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.